je serai vieux demain. Quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain. Tout petit bout d'homme qui tend la main pour faire ses premiers pas. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme atteindre l'horizon. Petit bonhomme, faut jamais baisser les bras. Et on posera nos pieds à l'heure des repas. On chauffera nos gamelles sur les feux de bois. On fera des survolants pour aller plus loin. Quand on aura 20 ans en l'an 2001. J'aurai bien des tourments, tu n'en sauras rien. Quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu veux tout faire comme t'en as envie. Vivre au maximum, brûler ta vie, sans savoir où tu vas. Petit bonhomme, partir sans rien savoir, c'est un peu comme marcher dans la nuit noire. Petit bonhomme, et dire que j'ai fait comme toi. On se fera des igloos, on mangera des facs. Et on plantera des clous en plein dans les rocs. On n'aura plus de gants, on aura le poing. En l'an 2001, sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on s'attend bien.